ça la prod, mon pote. Scary Sarkos, Reda, Kana et la chronique. C'est la même de haut en bas, mon pote. J'ai pas fini de brailler, relance la boue, qu'on laisse la prod en sang. J'suis resté sur la touche, j'suis pas de ces boucs qui font des sons dansants. Ici c'est pas joli, les cœurs sont froids, les âmes sont fanées. J'suis revenu cracher mes tricks, moi pas pour faire le morceau de l'année. Laisse-moi planer. La lune est pleine et ma bouteille est vide. Ensemble on se fait la guerre avant l'amour. Elle est douce, belle et ivre, mariée à la picole. Plus petit bar que les voix se dégradent. Découvre l'amour dans un petit con. La mort dans le comprimé s'éclate. Qui va stopper l'hémorragie? Vas-y, laisse l'hémorragie. Ici on donne avec le cœur, même si t'as pas les mots magiques. Prends place dans le cortège, funèbre et la danse, fumette écrasante. Voilà le reflet d'une jeunesse éclatante. Dur de remonter la pente, une balle dans l'yep, l'âme dans la panse. Sur deux contrées l'attente, un pied sur terre, l'autre dans la tombe. Frère, j'ai l'âme sur messagerie, le cœur en batterie faible. Mon sourire faut pacifier, non, je rends pas le rond si fier, moi. C'est la même de haut en bas, de gauche à droite. C'est trop comme le temps passe, il reste tellement de choses à voir. Laisse-moi planer, laisse-moi planer. C'est la même de haut en bas, de gauche à droite. C'est trop comme le temps passe, il reste tellement de choses à voir. Ensemble, on se fait la guerre. Les temps sont durs, on avance plus à visage découvert. Dehors y'a plus d'air pur, chaque jitter son lot de découvertes. On protégera la mif qui t'a brandir le fer. On s'échappera s'il y a du ferme, au diable voloir de mercenaires. Souris, dehors y'a tout un tas de caméras. Mourir, moi je préfère ça que devoir marcher au pas. Je me suis mis à l'écart, en attendant que les obus tombent. Du temps que les oligarques construisent sur Pluton. J'essaie de trouver des raisons, continuer sans toujours devoir diluer. Ma douleur à l'atténuer, toujours entre deux chaises. Le savoir et l'ignorance que je sais que le premier m'apporter que souffrance. Emballez vos dealers, vos détraqueurs de gosses. Ce sera tout naze même si t'achètes la meilleure paire de boss. À deux doigts tout lâcher, cherche le bonheur, marre de rapper ma peine. Obligé de répondre lorsque canaille m'appelle. C'est la même de haut en bas, de gauche à droite. C'est trop comme le temps passe, il reste tellement de choses à voir. On étouffe comme George Floyd. C'est la même de haut en bas, de gauche à droite. C'est trop comme le temps passe, il reste tellement de choses à voir. Jab le vouloir de mercenaire. J'fais pas dans la douceur ni dans les détails. Trop de fois tout seul, la vie nous met des tas. Tout ça fout le seum, j'ai pourri des pages. Noirci des tas de cahiers. Humeur en tente si les gens suivent prêts à te grailler. Ça fait mal à ouais comme la famine au Malawi. La perte d'un proche, un poteau rongé par la weed. Parfois j'm'esquive dans le champ, j'aiguise des lignes tranchantes. J'guéris dans des rimes même après 30 ans. J'ai de la haine dans le ventre pour les bâtards qui m'ont trahi. Les messes passent quand t'arrives, les tas, les flics, les pompes à fric. Les gros lobbies comme Bolloré, les colonies d'hommes colorés. Moi, j'suis issu d'une famille mineure polo. Fils d'ouvrier, j'oublierai pas, même si un jour je quitte tout. Pas de justice, pas de paix, on blanchit un juge qui touche. On étouffe comme George Floyd ou Cédric Chouviens. On s'était promis tant de choses, frère, je sais pas si tu te souviens.